Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour ouvrir l'émission, nous allons découvrir avec Benjamin Alès de nouvelles pratiques gastronomiques. Les bonnes assiettes quittent la table, on peut les trouver dans la rue. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui, donc tu t'adresses aux amateurs de bonne bouffe, Tout à fait. Donc j'espère aussi attiser la curiosité alimentaire de tout le monde. Donc aujourd'hui, la nourriture, elle est partout autour de nous, que ce soit dans les champs d'achat, à chaque coin de rue. La quantité au rendez-vous, mais la qualité pas toujours. C'est vrai. Quand on a faim, sur l'heure du lunch, par exemple, on est parfois frustré de trouver à proximité que des chaînes de restaurants qui proposent des aliments peu variés. La qualité nutritionnelle est même parfois douteuse. Heureusement, les restaurateurs et les autres amateurs de bonne cuisine ont entendu nos cris de détresse et la bonne nourriture va aujourd'hui sortir des grandes tables. Donc je vais vous parler en fait de ces nouvelles pratiques gastronomiques qui viennent livrer les bonnes assiettes dans la rue ou dans des lieux insolites, que ce soit à l'heure du dîner ou pour d'autres événements. Et on n'oubliera pas aussi de parler de la convivialité et du lien social que cela représente, et même l'implication que ces pratiques peuvent avoir sur le comportement alimentaire et même la santé. Donc de quelles nouvelles pratiques tu parles? J'imagine que c'est autre chose que les camions qui servent des frites et de la poutine, par exemple sur les plaines d'Abraham pendant le festival d'été. Oui. Donc c'est de l'alimentation qu'on va trouver dans la rue, mais c'est autre chose que des frites. C'est ça. Donc c'est quand même la base des nouveaux concepts, c'est que on part de la rue, on peut dire, on connaît tous ces camions-là, c'est des camions de casse-croûte, on y a commandé parfois les pires poutines ou les hot dogs qu'on n'ait jamais mangé, et on a même parfois perdu notre plaisir parce que c'était pas ce qu'on recherchait. Ouais, on espère trouver quelque chose de bon, puis finalement, on le regrette. Donc c'est vrai que ça peut être lassant de toujours manger les mêmes choses dans ces camions, et donc aujourd'hui, les restaurateurs se sont dit qu'ils pouvaient aussi aller chercher des gens dans la rue ou dans des événements comme certains festivals, mais avec de façon plus créative et gastronomique. Et donc, notamment, un des concepts les plus populaires et tendance, c'est l'invasion des nouveaux camions de bouffe. Donc, on les appelle aussi, pour faire un peu tendance, les food trucks. Les food trucks, donc. Donc, ils sont où, ces camions, et comment ils vont chercher leurs clients? Ces camions, à l'origine, étaient plutôt dans les grosses métropoles urbaines, à commencer par New York, Londres, Paris, des villes particulièrement gastronomiques. Ouais. Et donc, pour le Québec, la référence, ça reste toujours Montréal, où ils sont en plein essor. Et ces camions essayent de se positionner à des endroits stratégiques pour aller rencontrer, par exemple, les employés de bureau qui ont des pauses courtes sur leur dîner. Ils vont aussi s'implanter dans des quartiers où il y a des compagnies de professions plutôt créatives ou numériques qui emploient en général les gens qui vont être plus sensibles à ce type de nourriture. Et donc ces camions peuvent se déplacer, aller dans des coins différents de la ville. Et puis pour ce qui est de se démarquer, ils vont essayer de jouer sur une carte et des recettes plus épurées, des décors qui vont attirer l'attention. Et aussi ils essayent de créer un accueil un peu plus chaleureux que juste un restaurant. Et alors qu'est-ce qu'ils nous proposent pour nous sortir de la restauration rapide et monotone, celle qu'on voit tout le temps? Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? Ils essayent de vendre des plats avec des ingrédients qui peuvent être par exemple biologiques, plus originaux, essayer de faire des choses plus savoureuses et surtout proposer plus de variété. Donc on a par exemple, je pourrais citer des grilled cheese au canard, des paninis sans gluten, d'autres classiques en fait qui sont revisités. Puis il y a aussi tous les plats libanais, indiens ou toute la cuisine du monde en fait qui peut être retrouvée. Et alors comment ça se présente? Comment ça marche? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner, aller chercher les gens sur des produits originaux de cette façon-là? Ça fonctionne vraiment très bien dans les villes où le concept est expérimenté. Les food trucks sont même victimes de leur succès. Il y a des line-up qui commencent à s'installer devant certains à l'heure du dîner. Et à Montréal, on va même faire des regroupements de ces camions. Donc ça peut être pour des festivals comme Juste pour Rire. Donc par exemple, à Montréal, pour Juste pour Rire, il y a Bouffon Montréal, donc jeu de mots nourriture, humour. Et donc il y a plus de 40 camions qui se réunissent sur la place des Arts. Et on espère qu'ils viendront un jour au Festival de Québec. Donc ça doit, à 40 camions, il y a quand même une certaine diversité d'offrir. Ils ne peuvent pas se permettre d'offrir tous de la poutine, sinon ça ne marchera pas. Donc justement, à Québec, est-ce qu'on observe aussi cette tendance? On dirait que ça s'en vient, même si on n'en compte pas beaucoup encore, des camions par exemple. Mais il y a certains événements qui commencent à s'organiser, comme on a eu Cuisiner Saint-Roch dans le quartier du même nom il n'y a pas longtemps, en début septembre. Et en fait, tous les commerçants, restaurateurs proposaient sur la rue Saint-Joseph des bouchées et des mets. de ce qu'ils peuvent offrir dans leur cuisine. Mmh. Et alors, est-ce que la recette a pris ? Bah, malheureusement, moi, j'ai pas pu assister, mais on m'a dit que ça avait vraiment fonctionné. Et notamment, dans les médias locaux, il était indiqué que certains exposants ont même été contraints de fermer presque à l'ouverture, quelques instants après l'ouverture, parce qu'ils avaient vendu tout leur stock. Ils avaient pas assez prévu par rapport à l'achalandage. Ah oui, ouais. Donc, tu nous as parlé des camions de bouffe, des festivals comme Cuisiner Saint-Roch, mais est-ce qu'il y a d'autres événements du même genre? Oui, alors, il y a aussi une tendance européenne, donc, qui est le fooding, donc, un anglicisme qui est pourtant pour un mot en fait très simple. Puis donc en fait c'est des chefs cuisiniers qui vont investir des lieux insolites, des musées, des bars, des endroits qui ne proposent pas de nourriture d'habitude. Ouais. Et donc par exemple j'ai des amis parisiens un peu bobos, je dois le dire, qui ont indiqué sur Facebook qu'ils participeront bientôt à Paris à un fooding qui va rendre hommage à aux femmes chefs cuisinières. Donc ça s'appelle le clan des Madones. Donc ces chefs investiront par un stationnement dans Paris qui va être aménagé pour l'occasion et elles vont y servir des bouchées selon un menu plat et vin, et c'est un prix relativement abordable quand même. Ouais, bah ça compte aussi. Donc, et sais-tu s'il y a des événements de ce type qui commencent à s'organiser à Québec? Bah, à Québec, ouais, on dirait que ça s'en vient aussi parce qu'il y a plusieurs événements. Comme par exemple, je pourrais en citer un récent qui me vient à l'esprit, c'est vendredi dernier au Cercle, donc c'est un bar, restaurant, salle de concert dans Saint-Roch. Il y avait en fait des stands de nourriture sur place avec donc le poissonnier du coin qui proposait des huîtres, des dégustations de charcuterie, et en même temps il y avait la musique aussi. Etc. Ah ouais. Donc ça semble rencontrer un certain succès. Est-ce qu'on pourrait pas parler de festival dédié à la nourriture? Et en fait, oui, vraiment, de plus, c'est des événements très fréquentés. Puis, ils font maintenant on organise maintenant même des festivals qui sont dédiés non plus seulement à la musique, mais aussi à la nourriture. Par exemple, il y a un festival à Ottawa, Arboretum, qui, dans son line-up, compte autant de chefs cuisiniers que de groupes de musique. Il y en a aussi dans d'autres villes. Puis en Angleterre, ils ont même un concept qui s'appelle les food raves. Ça vient des rave parties dans les années 90. Et c'est comme pour dire une nourriture en excès. Et en même temps de la musique électronique. Donc à Londres, par exemple, ça devient populaire avec... on associe des DJ londoniens qui vont mixer pour accompagner les dégustations qui sont proposées par des grands chefs. Mm-hmm. Et donc, tout à l'heure, tu as évoqué le prix au sujet de l'événement avec les Madones, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc, est-ce que c'est à la portée de tous, vraiment, ces événements-là et ce type de restauration? Bah, malgré cette mobilité... une certaine proximité géographique et puis parfois certains tarifs qui peuvent être attrayants puisque ça peut aussi servir à faire de la publicité pour ces chefs-là. Bah oui. Il y a quand même un certain coût à cette nourriture et notamment dans ce qui est proposé dans les camions, les food trucks. C'est vrai que le prix d'un item comme par exemple un taco à base d'ingrédients biologiques peut aller jusqu'à $15. Donc c'est assez cher parce qu'on est sur des produits biologiques. C'est sûr, ça n'est pas un burger traditionnel. Et ces camions, ils ont quand même des dépenses d'équipement qui s'ajoutent au fait que la clientèle peut être limitée par rapport à un restaurant établi dans un quartier. Donc ça génère, c'est sûr, des coûts supplémentaires et ça pousse parfois à la hausse des prix de la part des restaurateurs. Et c'est sûr que comparativement, par exemple, à une chaîne de restaurants qui a plus de marge sur l'achat et la négociation des produits. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut encourager cette gastronomie? Ben oui, c'est certain qu'elle offre déjà des produits qui sont quand même plus variés et avec beaucoup plus de plaisir gustatif. C'est vraiment important pour l'alimentation et le bien-être. Et en plus, on retrouve donc souvent une convivialité. Ouais, donc ça c'est quelque chose d'important pour autour de l'alimentation, la convivialité. Ben en fait, oui, on pourrait dire qu'il existe. Enfin, en fait, il existe même des travaux scientifiques qui prouvent que manger dans la convivialité, ça a un impact sur le comportement alimentaire. Il y a une étude récente de psychologie alimentaire qui a indiqué, dans un groupe de 80 femmes, majoritairement c'est des étudiantes au Royaume-Uni, en fait que le fait de manger en interagissant avec d'autres personnes, c'était associé à une prise alimentaire diminuée par rapport au fait de manger seul ou devant la télé. Ok, on mange moins quand on est en groupe. C'est ça. Alors après, il y a des phénomènes de pression sociale, etc. Je vais pas rentrer dans ces détails-là. Mm-hmm. Donc finalement, cette nourriture qui vient de la rue, ou qui est distribuée dans des lieux insolites, elle se partage à l'heure du lunch ou à d'autres occasions, et elle contribue à la convivialité et au plaisir de bien manger. Mm-hmm. Et juste pour terminer sur une citation un peu amusante que j'ai trouvée dans un livre d'un journaliste anglais qui s'appelle Stephen Poole. Il dit que, pour parler des amateurs extrêmes de gastronomie et des nouvelles tendances culinaires, que la nourriture, en fait, c'est la dernière substance qu'on peut ingérer avec une obsession presque fanatique sans être vu d'un mauvais œil par la société. Que voilà une savoureuse conclusion. On va pouvoir manger nos tacos au canard ou je sais plus. Panini au canard. Panini au canard sans être mal regardé. Merci beaucoup, Benjamin. Puis on va voir si le mouvement se répand à Québec et si on va bientôt se rencontrer donc autour de ce genre de food truck. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Valérie. Alors on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour on change complètement de sujet. On vous parle du genou.